J'en connais pas la raison. Ça me fait toujours du bien de te parler seul à la maison. Comme tu nous l'as dit, à jamais tu nous protégeras. Et ce, même de là-haut. Grand-père, ça fait tellement de temps que je t'ai plus parlé. Un mutisme de dingue m'a envahi, tu sais. Mes passages durs de l'époque reviennent. T'inquiète, c'est plus le tribunal, mais une dette de dingue, une erreur, les armées en scène. J'ai eu dur, mon portefeuille a craqué. Mon moral en fait même, et mon cœur s'est éclaté. Sur les murs, le jour de la rupture d'avec ma perle, mes larmes ont coulé au point que dans le désert à mes pieds, une blonde gerbe. J'ai mal, n'arrive plus à me situer dans ce monde. Je peux pas chaque jour, comme tu me l'as pris, pour ne pas que je succombe. Je sais que j'arriverai à me sortir de ce trou. Que tu seras là pour me booster, me mettre une claque si ça devient trop chelou. La vie est belle, j'y crois et j'y crois encore. Pour nombre de fois, elle te fait des coups dans le dos, perforant ton âme, même le corps. Ma force mentale est un don de ta part. Pour moi, tu es et resteras, on aura mon papa. Dans tes yeux était écrit mon destin. Sur tes mains s'était tracé mon chemin. Tu es parti mais tu feras toujours partie des miens. C'était sur tes mains qu'était écrit ce refrain. C'est dingue. Je parle dans le vide, ça me fait du bien. Je t'imagine à mes côtés me disant ça va s'arranger gamin. Mamie est toujours là pour m'épauler, grand-mère de même. Enfin la famille ici n'a pas bougé, tous toujours les mêmes. T'es au courant c'est sûr, ma gars enfantée dernièrement. Une petite fille, Lisa de son prénom. C'est la cerise sur le gâteau de leur mariage. Et le mérite, elle est parfaite, belle à croquer au sein de cette union stable. Un an gêné, venu sceller leurs vœux. Que leur souhaiter de plus que vivre vieux, heureux ensemble tous les deux. Ma vie à moi est plus qu'affreux, je ne crois plus aux relations amoureuses. Ma colocation est partie en couille, il ne me reste que des dettes à payer. Oublier cette expérience, ma seule technique est acoustique pour exorciser cette phase critique. La dynamique cynique d'une rime lyrique automatique, pour l'instant lunatique. Je passe du rire au larme en un claquement de doigts, trop de tristes. Dans tes yeux était écrit mon destin. Sur tes mains s'était tracé mon chemin. Je vais partir et t'es parti, mais tu feras toujours partie des miens. C'était sur tes mains que t'es écrit ce refrain. C'est que je suis un battant, je ne te contacte pas que quand les temps sont durs. Même si là ça fait un moment, ton âme est liée à la mienne. Et de ce fait sans cesse, tu me protèges du ciel. Changeant des choses de façon non traditionnelle. Je ne te vois pas, ne t'entends pas, pourtant te sens souvent près de moi. Je ne suis pas fou à cette question, chacun de mes proches te le dira. Nos croyances sont différentes des tiennes, auditeurs de cette chanson. Moi-même je me demande où et quand a débuté cette relation. Quand je suis démuni, je me munis d'une plume et écris à cet homme qui a percé mon enfance. C'est par la force de sa personne. Fait évoluer mes perceptions des choses. C'est grâce à lui que la vie rigole et que je reste moi dans mes proses. Tu vois ma gueule, je dois pas en faire trop. Je me dois de rester droit, que ma famille soit fière de moi. Pas de coup d'éclat pour un sou. On reste toujours calme, à s'entraider entre nous. Dans tes yeux était écrit mon destin. Sur tes mains s'était tracé mon chemin. T'es parti mais tu feras toujours partie des miens. C'était sur tes mains que t'es écrit ce refrain. Grand-père, ça fait tellement de temps que je t'ai plus parlé. Ça y est c'est fait, on se revoit dans mes rêves, tu le sais. Notre famille ne t'oublie pas. Pour tout le monde ici-bas, tu restes notre papa.